Luc chapitre 13, c'est là que nous sommes rendus dans notre étude. Et cette étude qu'on a commencé la semaine passée parlait de la repentance, et nous allons la continuer parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer tout à fait ce chapitre de Luc, chapitre 13. La repentance, ce n'est pas, premièrement, reconnaître nos péchés. La repentance, dans le Nouveau Testament, touche plutôt de reconnaître notre péché. Pas les péchés qu'on fait, mais notre péché. Vous remarquerez qu'en grande partie, quand le Nouveau Testament parle du péché, il ne parle pas des péchés, mais il parle du péché. C'est un petit peu différent. Un peu différent. Jésus est mort pour enlever le péché du monde, premièrement, pas juste les péchés du monde. Et dans la plus grande partie des mouvements religieux dans le monde, ils sont tous prêts à reconnaître leur péché. Mais ils ne veulent pas reconnaître le péché. Un homme, un jour, à qui je jasais, disait, « Oui, François, je fais des péchés, mais je ne suis pas un ennemi de Dieu, je ne suis pas contre Dieu, moi. » Vous voyez la différence? Hein? Pour lui, le péché, c'était parallèle comme ça. C'était, je fais du mal à Michel, je fais du mal à Daniel, je fais du mal à mon épouse, je fais du mal à des gens autour de moi. Le péché, c'était ça. Mais le péché, pour lui, n'était pas vertical. Mais le péché, c'est premièrement vertical. C'est quelque chose contre Dieu. Et la repentance touche le vertical, qui va avoir un effet sur l'horizontal. Mais beaucoup de mouvements religieux veulent régler le problème horizontal et ne règlent jamais le problème vertical et ça ne change rien. Vous pouvez, après avoir trompé votre femme, vous pouvez peut-être lui donner une fleur, mais ça ne réglera pas le problème de l'avoir trompé si vous ne le réglez pas. « Ah, je t'offre une fleur, t'es bien gentil, merci. » Mais t'as pas réglé le problème d'avoir trompé, donc ça va pas régler la relation. Et la repentance, c'est un problème, premièrement, entre Dieu et l'homme, un problème de relation. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ce que nous avons vu ensemble la semaine passée, que dans l'Ancien Testament, on n'emploie pas le mot « repentance », on emploie le mot quoi? Dieu dit des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois, « Revenez à moi, vous m'avez abandonné pour d'autres dieux. Revenez à moi, revenez à moi. » Il va dire ça des milliers de fois au peuple d'Israël. « Revenez à moi, vous vous êtes détournés de moi, vous vous êtes éloignés de moi, vous m'avez abandonné, vous m'avez rejeté. Revenez à moi. » Donc la repentance, ça ne touche pas premièrement des actes que je fais contre les lois de Dieu. La repentance, c'est que j'admets que je suis contre Dieu et que je me suis détourné de Dieu. Dieu est là, puis moi je m'en vais par là et je fais ce que je veux, quand je veux. La repentance, c'est que je me retourne et je vais vers Dieu pour le servir. Ça va influencer les péchés que je fais. Mais il faut que je fasse d'abord le retour vers Dieu. Et c'est ce que Jésus enseigne, c'est ce que les apôtres enseignent, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Revenez à moi, repentez-vous et revenez vers Dieu. C'est pour ça que Paul va dire, je pense que c'est aux Corinthiens, détournez-vous de vos idoles, tournez-vous vers Dieu pour le servir. Vous, il ne dit pas arrêtez de faire certains péchés, mais il dit tournez-vous vers Dieu pour le servir. Donc c'est ce qu'on a vu un peu la somme, c'est pour ça que la repentance, c'est ça. Il faut faire attention à ce que Paul va parler avec les Corinthiens. Il dit ceci. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Donc, il y a une autre forme de repentance que Paul dit, « Tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Il y a des gens qui sont tristes face à leur péché. mais ça ne produira jamais la vie. Paul dit aux Corinthiens, faites attention que votre tristesse soit une tristesse qui va produire la vie. Une tristesse qui va produire la repentance à salut. Une repentance dont on ne se repent jamais. Donc, cette forme de repentance dont on parle ce matin, c'est une repentance qui nous amène vers le salut de nos âmes, dont on ne se repent jamais. Cette repentance-là ne va jamais être inversée dans la vie du croyant. Parce que c'est quelque chose que Dieu va produire en lui. C'est une tristesse face à notre relation avec Dieu. Dieu va nous donner la repentance, et cette repentance-là qu'il nous donne, nous tourne vers lui pour l'éternité. Ce n'est pas que je me tourne un matin, puis le matin je ne suis plus, puis l'autre matin je le suis, puis l'autre matin je ne suis pas. Non, non, je me suis tourné vers Dieu, et c'est pour toujours. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus de péché, mais je me suis tourné vers Dieu pareil, pour toujours. Et c'est cette repentance-là dont on parle, dont on a parlé la semaine passée. Ce n'est pas de cette tristesse. Certains mouvements religieux vont souvent mettre beaucoup j'écoutais le témoignage d'une personne, c'est vrai, dans son témoignage, ce qui ressortait, c'est qu'elle avait beaucoup pleuré. Et parce qu'elle avait beaucoup pleuré, pour elle, elle était sauvée. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr si tu n'as pas compris l'Évangile. Je ne suis pas sûr si tu n'as pas vécu la repentance. Parce qu'il y a une forme de tristesse que, dans beaucoup de mouvements religieux, on est triste des péchés qu'on a faits. Mais on n'est pas triste d'avoir abandonné Dieu. Il y a des gens qui vont dire, « Moi, j'ai toujours aimé Dieu. Toute ma vie, j'ai aimé Dieu. » Ils n'ont jamais compris qu'ils étaient contre Dieu. Ils n'ont jamais compris qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Qu'ils devaient faire un mouvement un jour de dire, « Je pensais que j'aimais Dieu. Je pensais que j'allais vers Dieu. Mais non. Il faut que je me tourne et j'aille vers Dieu. » Et on a vu la semaine passée, dans notre premier point, versets 1 à 5, dans Luc, que Jésus va dire que la repentance, c'est pour tout le monde. Personne ne fait exception. Personne dans le monde existe qui n'a pas besoin de se repentir. On a vu ensemble que les Juifs qui se pensaient meilleurs, les Juifs de Jérusalem qui se pensaient meilleurs que les Juifs de Galilée, ils pensaient que les Juifs de Galilée avaient besoin de se repentir. Jésus dit, oui, ils ont besoin de se repentir, vous avez bien raison. Ils ont besoin. Et s'ils ne se repentent pas, ils vont tous périr. Mais il se tourne vers eux, mais il dit, les Juifs de Jérusalem aussi ont besoin de se repentir. Il dit, vous autres aussi, vous avez besoin de vous repentir. Tous les Juifs et tous les Québécois ont besoin de se repentir. De prendre cette décision-là un jour dans leur vie. De se tourner vers Dieu. Tout le monde a besoin de prendre cette décision-là. Le mot dans l'original, dans la langue grecque, c'est le mot metanoia. Meta. C'est le même mot dans le français. Métamorphose. Meta qui veut dire un changement. Métamorphose, c'est un changement dans la forme. Un papillon subit une métamorphose. Il passe de la chenille à papillon. Dieu dit, maintenant, je veux que vous fassiez une transformation dans votre pensée. Parce que le mot noia, c'est la pensée, la connaissance. Il dit, vous devez, dans votre tête, faire un changement. Changer d'idée. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire aux Juifs quand il va prêcher, dans Acte 2. Repentez-vous, changez d'idée. Vous avez crucifié le Messie, vous allez devoir changer d'idée. Le Messie, c'est celui que Dieu avait envoyé pour vous sauver et vous l'avez tué. Donc, vous devez changer d'idée par rapport à Dieu, par rapport à Jésus et de vous tourner et dire, Seigneur, on accepte Jésus comme celui que tu as envoyé, notre sauveur. Il va falloir que vous preniez la décision dans votre tête de changer d'idée par rapport à Dieu. Pas par rapport à vos péchés de tous les jours. Par rapport à Dieu, premièrement. Et ça, c'est très important qu'on comprenne ça. Parce que j'ai vu beaucoup de croyants qui sont confus par rapport après leur conversion. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils font quasiment autant de péchés qu'avant. Puis ils pensaient que le fait qu'ils s'étaient repentis de leur péché, qu'ils n'auraient plus. Mais non, ils s'aperçoivent qu'il y en a encore. Là, ils ont de la misère à comprendre. Comment ça, je me suis repenti? Comment ça, j'ai cru? Puis je suis encore pogné avec les mêmes péchés. Mais ce qui a changé, c'est l'attitude que j'ai face à ces péchés-là. C'est l'attitude que j'ai. Maintenant, je les appelle péchés. Maintenant, je les confesse. Mais maintenant, je veux m'en détourner de ces péchés-là. Donc, mon attitude a changé face aux péchés que je fais. Jésus dit donc, tout le monde doit se repentir. Tout le monde, de toutes les planètes, de tous les pays, de toutes les races, de toutes les couleurs, de tous les temps, tout le monde doit se repentir. N'ayez pas dit à d'autres mondes là, que je crois que du monde sur d'autres planètes. me suis fourché dans ma langue. OK? Donc, deuxième chose qu'on a vu de verset 6 au verset 17, et on a vu ensemble que il avait le Jésus, pour leur aider à comprendre, il va compter une parabole. Il va compter que, bon, il y a un homme qui a une vigne, et dans la vigne, il y a un figuier, et le propriétaire de la vigne vient pour prendre des figues au figuier, et qu'est-ce qu'il découvre? Il n'y en a pas de figues après. Donc, c'est comme vous autres, vous achetez un plat de patates, vous apercevez qu'il n'y a pas de patates. Il dit, ben, hop, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, mon affaire. Le propriétaire dit, j'ai planté un figuier pour avoir des figues, et il n'y a pas de figues. Donc, qu'est-ce qu'il prend comme résolution? Il prend une résolution qui est, je dirais, sage, honnête, juste. Il dit, tu ne portes pas de fruits, je te coupe, puis je t'enlève de ma vigne, parce que tu ne portes pas de fruits. C'est normal, j'aurais fait la même chose. Si j'ai une vigne qui ne me donne pas de raisins, je l'arrache, puis j'en plante un autre. Ou je trouve une solution pour que ça porte des raisins à quelque part, parce que c'est pour ça que je l'ai planté. Mais le vigneron dit au propriétaire, dans l'histoire, laisse-moi un petit peu de temps. Je vais creuser autour, puis je vais mettre du fumier tout autour, puis peut-être que le fait de l'engraisser, il va porter du fruit. L'année prochaine, mais tu reviennes, s'il n'a pas porté de fruit encore, tu le couperas et tu le jetteras en dehors de la vigne. Et on a vu ensemble que l'Église, le temps de l'Église, on appelle ça le temps de la grâce. Dieu donne du temps au monde pour se repentir. Puis Dieu fait tout en son pouvoir pour aider les gens à se repentir. Remarquez bien, ce n'est pas le figuier qui met du fumier, c'est le vigneron qui met du fumier. Jésus met du fumier. Jésus fait du bien au monde. Et le plus grand bien qu'il a fait pour le monde, pour l'aider à se repentir, c'est quoi? C'est de mourir pour lui. Ce n'est pas de lui donner un nouveau char, là. Le plus grande chose qu'il a faite pour nous convaincre qu'il nous aimait et qu'il voulait qu'on porte du fruit. Il dit, je vais mourir pour vous autres, je vais porter vos péchés pour vous autres, afin que vous portiez du fruit pour moi. Il fait un paquet de choses pour les êtres humains et je crois que, je vous garantis, si Dieu se retirait de la race humaine présentement, vous pensez que c'est l'enfer maintenant? Si Dieu se retirait de la présence du Québec, vous verrez c'est quoi l'enfer. Si Dieu se retirait du monde présentement et laissait le monde aller à sa folie, vous verrez c'est quoi l'enfer. Mais Dieu, présentement dans le monde, fait encore du bien à des millions de gens. Lui-même, il le dit, je donne à manger, je donne à boire aux justes et aux injustes. Je fais du bien continuellement à la race humaine pour qu'elle se repente. Il fait du bien. Il y a un verset qui dit, Jésus a dit ça comme ça, alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, des villes non-juives, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Donc Dieu il dit, j'ai fait des milliers de miracles parmi vous. Je vous ai fait du bien pour vous aider à vous repentir. Et vous ne l'avez pas fait. Il dit, si j'avais fait ces miracles-là parmi les non-juifs, ils se seraient repentis. Donc, que vous le voyiez, que je le vois ou que je ne le vois pas, ça n'a pas d'importance. La Bible nous dit que Dieu fait du bien à la race humaine pour qu'il se repente. Moi, je crois personnellement que dès la naissance d'un être humain, Dieu lui fait du bien pour un jour qu'il se repente. Il fait du bien. Il lui fait du bien. Ici, dans le texte, il parle de faire du bien. Dans d'autres textes, il parle aussi que des fois, il amène de la souffrance dans la vie des gens pour les aider à se repentir. Des fois, il prend les deux. Dans le texte, ici, il parle de fumier, d'engraisser, de faire du bien. Et c'est correct. Dans l'autre histoire qu'on a vue la semaine passée, c'était la femme bossue. Il prend la femme bossue et il la délivre de sa maladie. Il dit, Satan la tenait liée. Je la délivre de Satan. Je la délivre de ce Satan qui la tenait liée. Et cette femme-là, aussitôt qu'elle est délivrée, elle se vient vers Jésus, puis elle loue Dieu. Elle fait ce qu'elle était. Elle était sauvée pour. Elle était délivrée pour glorifier Dieu. En sortant, elle glorifie Dieu. Dieu dit, maintenant, voyez-vous, je l'ai fait du bien, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me glorifie. C'est ça qu'il veut de nous autres. Il dit, je vous fais du bien, je veux que vous me glorifiez. C'est tout ce que je vous demande. Dites-le que c'est moi qui vous ai fait du bien. Dites-le. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Si vous n'étiez pas là et que vous voulez avoir le sermon la semaine passée, demandez une copie du sermon et on vous en fera une. Ce matin, verset 18, c'est ce qu'on est rendu. La troisième raison pourquoi chacun de nous doit se repentir, chaque être humain doit se repentir. Verset 18 à 22. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et qu'il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. La vérité, je pense, de ce texte, c'est la repentance est une porte pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance est une porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Du verset 18 à 22, Jésus nous parle comment le royaume de Dieu va prendre place dans le monde. Comment le royaume de Dieu va s'enraciner dans le monde, je pourrais dire ça comme cela. Et au détriment des Juifs. Savez-vous pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus? Parce que Jésus n'a pas mis en place le royaume de la façon que les autres auraient voulu que ça se fasse. Les autres auraient voulu que Jésus arrive sur son cheval blanc, avec son armure ruisselante et son épée flamboyante, et qu'il parte en guerre contre l'Empire romain. C'est ça qu'il aurait voulu qu'il fasse. Et là, il aurait dit, « Waouh, voilà, notre sauveur vient, il va nous délivrer de nos ennemis, il va nous délivrer de l'Empire romain, et maintenant, il va nous établir, nous, comme étant le royaume de Dieu. » Jésus ne fait pas ça. Au contraire, il dit quoi ici? Il dit au verset 19 que le royaume de Dieu, ça va venir d'une façon très subtile, très lentement. Personne ne va le voir. Personne ne va le voir, ou presque pas. Si on demanderait aux gens sur la planète maintenant, pensez-vous que Dieu est en train d'établir son royaume sur la terre? 99% des gens vont vous dire quoi? Non. On est en train de faire du monde un village global où on va faire du monde juste une ville, on va établir un gouvernement mondial, on va faire des affaires mondiales, mais il n'y a personne qui est en train de dire « Ouais, Dieu est en train d'établir son royaume, mais et dans quelques temps, c'est le royaume de Dieu qui va régner sur la terre entière. » Il n'y a personne qui dit ça. Pourquoi? Parce que c'est fait d'une façon très lente, très subtile. Dieu bâtit son royaume. C'est ça qu'il prend les exemples ici d'une petite graine sénévée. Selon ce que j'ai lu, si je mets une graine de sénévée dans votre poche, il est probable que vous ne la trouverez pas. Il est probable que vous ne la trouverez pas tellement elle est petite. Dieu dit, je prends la plus petite graine, je la mets en terre, dans le jardin. C'est la plus petite graine du jardin. Je la mets en terre, mais elle va devenir la plante la plus grosse de tout mon jardin. Elle va devenir assez grosse, cette plante-là, pour que les oiseaux fassent leur nid dedans. Vous savez qu'un oiseau, ça ne fait pas un nid à 3 pieds de terre dans une affaire qui branle. C'est un arbre. Mais ça va se faire de façon très subtile, très lente, sans que personne s'en aperçoive. Et un jour, Jésus va venir, il va dire, c'est fait, mon royaume est fait, je vais chercher mon monde. Et tout le monde va dire, hein, c'est quoi qui se passe? Ça ne rendra pas compte. Puis le deuxième exemple qui dit, il dit, c'est comme du levain. Avez-vous déjà fait ça, du pain? Si vous avez déjà fait du pain, vous comprenez vraiment ce que Jésus a dit. Vous prenez du levain, vous mettez ça dans votre farine, votre eau, votre pâte et tout ça, et là, vous laissez ça là, et vous ne voyez rien, et si vous ne regardez pas continuellement, vous allez vous retourner, ah, le pain il est tout gonflé. Ça va gonfler tranquillement. Et vous ne voyez pas la levure. Mais la levure fait lever toute la pâte. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme ça. Ça va se développer très tranquillement, lentement. Ça va s'infiltrer dans la masse, dans les peuples. Ça va s'infiltrer, ça va s'établir d'une façon très subtile, très lente. Très lente. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va s'établir en frappant les regards. Mais Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de se bâtir un royaume présentement. Et présentement, on l'appelle l'Église. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. L'Église se bâtit à travers le monde. Tranquillement, ça se fait. Tranquillement, petit à petit, un ici, un là. Ça, les gens sont sauvés. Les gens s'ajoutent au corps de Christ tranquillement. Et personne ne s'en rend compte. Je ne parle de personne dans le monde entier. Personne ne s'en rend compte de ça. Mais ce royaume-là, pour y avoir accès, au verset 23, pour avoir accès à ce royaume-là, il y a quelque chose qui doit se passer. Et les Juifs, ici, ils disent que, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Savez-vous comment est-ce que les Juifs voyaient ça? Les Juifs et les Juifs seuls font partie du royaume de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a conté l'histoire de l'ivraie et du bon grain, il a raconté sa parabole, il dit, le semeur est venu, il a semé du bon grain et son champ de blé, mais il est arrivé quelqu'un d'autre dans la nuit qui a semé du l'ivraie. Le l'ivraie, c'est des mauvaises herbes. Et il dit, et là, il se réveille le matin, quelques semaines, quelques mois après, et là, il voit bien qu'il y a de la mauvaise herbe dans son champ de blé. Les ouvriers disent, hey, maître, on va aller arracher la mauvaise herbe. Et qu'est-ce que le maître dit? Non, faites pas ça. La mauvaise herbe va croître avec le blé. Plus tard, on séparera ça. Maintenant, pendant le royaume ici-bas, les mauvaises herbes et le blé se côtoient. Et les Juifs ne voulaient pas accepter ça. Les Juifs voulaient que Dieu détruise tout le monde et eux autres, sans le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit quelque chose qui les surprend beaucoup. Il leur dit, très peu de gens vont trouver la porte. Très peu de gens. Nous, on aimerait que tous les gens trouvent la porte. C'est pas ce qu'on souhaite qui va arriver. C'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte est étroite pour entrer dans ce royaume-là. C'est une porte spirituelle, on sait bien. Il dit, car je vous le dis, beaucoup vont chercher à entrer, mais ne le pourront pas. Tous ces gens qui font des religions à travers le monde, qu'est-ce qu'ils essaient de faire, vous pensez? C'est d'aller au ciel? C'est d'entrer dans le royaume de Dieu? Ils essaient tout. Jésus dit non, ils ne pourront pas entrer. Il y a juste une porte étroite pour entrer. Il n'y a pas 25 000. Des fois, on dit qu'il y a 25 000 de religions dans le monde, mais il n'y a pas 25 000 portes. C'est pas vrai, ça. Le monde veut se faire croire que toutes les religions sont bonnes, mais ce n'est pas la réalité de la Bible. Il y a une porte étroite pour entrer. Et il faut, si on veut rentrer dans ce royaume, il faut prendre cette petite porte étroite-là. J'ai une surprise pour vous, ce n'est pas les baptistes, là. Petite porte étroite. Ce n'est pas les baptistes, là. Ici, Jésus parle de cette porte étroite, et de la façon qu'il en parle, selon ma compréhension, il parle de cette repentance. Il va falloir que vous vous repentiez pour entrer dans cette petite porte étroite-là. Il va falloir que vous vous repentiez. Parce que la Bible le présente un peu plus loin que la porte, c'est qui? Jésus. Jésus dit, je suis la porte. Moi, je suis la porte. Si vous voulez rentrer dans le royaume par moi, si vous voulez que moi je vous fasse entrer dans le royaume, il va falloir que vous vous repentiez. Il va falloir que vous vous repentiez. Sans ça, vous ne rentrerez pas. Et la plupart des gens essayent, comme on dit en québécois, de gagner leur ciel, au lieu de laisser Jésus le gagner pour eux. Et Jésus dit, un jour le maître va venir et va fermer la porte. Il va fermer la porte. Il va dire, c'est fini maintenant. C'est terminé, il n'y a plus de temps. C'est fini. Et il dit dans l'histoire, beaucoup de gens vont venir cogner la porte. Laisse-nous entrer. Nous, on est des gens religieux, laisse-nous entrer. Jésus va dire quoi? Il va les appeler ouvriers d'iniquité, ouvriers de péché. Vous ne rentrerez pas ici. De quel péché il parle? Parce que tout le monde a des péchés. Le péché de l'avoir rejeté, lui. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre prêche dans Acte 2, il ne dit pas aux Juifs d'abandonner certains péchés qu'ils font. Il leur dit, changez votre idée par rapport à Jésus. Vous pensiez que vous pouvez faire partie du royaume de Dieu étant des bonnes personnes, en gagnant votre ciel au soir de votre front, comme vous pensiez? Moi, je vous dis que non, vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, si vous voulez entrer par la porte étroite, vous allez devoir accepter que Jésus, c'est la porte étroite. Que Jésus, c'est le sauveur du monde. Vous allez devoir accepter que Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé pour vous sauver. Et les Juifs, la majorité des Juifs, n'ont jamais accepté ça. Jésus, quand j'étais là en Israël, j'ai parlé de Jésus avec les Juifs, ils le rejettent. Jésus, c'est un imposteur. Jésus, c'est un menteur. C'est un bandit. C'est un arnaqueur. Ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur système religieux. Certains Juifs se sont convertis. Certains Juifs qui ont finalement reconnu en Jésus le sauveur du monde. Moi, je dis que toutes les religions qui prêchent que Jésus est le sauveur du monde, le seul sauveur du monde, c'est des bonnes religions. Des bonnes religions, peu importe le nom qu'ils ont. Mais ils doivent prêcher que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu, la seule voie pour entrer dans le ciel. C'est pas Jésus plus autre chose, c'est Jésus seul. C'est lui la porte étroite. Si on ne se repent pas, on ne pourra pas entrer. Parce qu'il dit au verset 27, qu'est-ce qui ferme la porte? C'est l'iniquité, c'est le péché. Donc, il dit, si tu veux entrer, c'est nous, dans l'Apocalypse, il présente la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, le nouveau monde, le nouveau royaume. Et il y a une porte, là. Et c'est marqué que dans cette porte-là, par cette porte-là, hein, il n'y a aucun péché qui rentre dans cette porte-là. Il n'y a aucun péché qui va rentrer dans le nouveau royaume. Donc, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, et tu veux rentrer par la porte, il faut que les péchés restent dehors. Il ne faut pas qu'ils rentrent. Parce qu'il n'y a rien qui va rentrer de péché dans le royaume de Dieu nouveau. Il n'y a rien. Donc, il faut que les péchés soient restés en dehors de ça. Et la seule façon que mes péchés restent en dehors du royaume et que moi, je puisse entrer, c'est que Jésus les enlève. C'est que Jésus les pardonne. C'est que Jésus les efface. S'il ne fait pas ça, je ne peux pas rentrer. Donc, nous, on est rentrés dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai rentré il y a 30 ans dans le royaume de Dieu. Mes péchés sont restés en dehors. Ils ont été effacés. Ça ne veut pas dire que j'en fais plus. Ça veut dire qu'ils ont été effacés. Mais grosse différence. Le sang de Jésus-Christ nous purifie continuellement. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. On fait un péché, mais il l'efface aussitôt qu'il peut être commis. Il est enlevé. Donc, on est toujours pur. On est toujours correct. Parce que si on serait entaché du péché, étant dans le royaume de Dieu, il serait obligé de nous sortir du royaume de Dieu parce que le péché ne reste pas dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas subsister dans le royaume de Dieu. Le plus bel exemple qu'on a de ça, c'est le paradis. Combien de péchés Adam et Ève ont fait avant que Dieu les mette dehors? Un péché. Ils ont fait un péché. Dieu dit « out », il va maintenant. C'est en dehors maintenant. Un péché, c'est dehors, parce que le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Donc, il est dehors. Puis il a donné à Adam et Ève et tous les autres, et toute la race humaine, un moyen pour pouvoir entrer maintenant dans le royaume, c'est la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Mais un des étapes, parce qu'il y en a un autre, mais une des étapes, c'est la repentance. Repens-toi. Et je vais effacer tes péchés, et tu vas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset 29 et 30, en dehors du royaume de Dieu, si je ne rentre pas par la porte étroite, si je suis obligé de rester dehors, qu'est-ce qui va arriver? De la souffrance. De la souffrance. Verset 28, il dit quoi? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Ceux qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu vont souffrir éternellement. Moi, je crois personnellement qu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, souffrent déjà. Mais s'ils meurent dans cet état-là, ils vont souffrir éternellement. Ils vont souffrir éternellement. Si on veut éviter la souffrance, il faut entrer par la porte étroite qui est Jésus-Christ. Il faut rentrer là. Et cette repentance, c'est « j'essaie pas de me sauver, mais j'accepte qu'il m'a sauvé. » C'est ça qu'il va entendre. Si on se présente devant la porte étroite et qu'on dit « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai quoi fait ci, moi j'ai... » On va dire « ah ouais, tu rentres pas. Moi j'ai donné tout mon argent, tu rentres pas. Moi je me suis privé, tu rentres pas. » La seule chose qu'il veut entendre, c'est « merci de m'avoir sauvé. » Tu peux rentrer. Tu peux rentrer. C'est tout ce qu'il veut entendre. On ne peut pas dire autre chose. Hein. Si on dit autre chose, on se glorifie. Au lieu de le glorifier, lui. Et le verset 29 à 30, c'est intéressant qu'il va dire une chose qui est choquante pour les Juifs. Pas choquante pour nous autres, c'est réconfortant, mais pour les Juifs, il leur dit que dans le royaume de Dieu, il va y avoir des gens de partout la terre, dans toutes les nations du monde, il va y avoir des gens qui vont faire partie du royaume de Dieu. Or, pour un Juif, ça, c'était une abomination. Une abomination. Quand je parlais avec un rabbin juif, quand j'étais en Israël, je parlais avec lui, puis il dit, j'ai dit, bon, ben moi, là, je suis pas Juif, je suis Québécois. Il dit, quelle espérance que j'ai pour le royaume de Dieu. Mais il dit, c'est simple, mon chum. Il dit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, toi. La seule façon, c'est que tu te fasses circoncis et que tu deviennes un juif. Si tu ne deviens pas un juif, tu ne feras jamais partie du royaume de Dieu. Devenir un juif, pas si pire, me faire circoncis, c'est une autre chose. Mais je joke, là. Je joke. Mais voyez-vous, c'est ce que lui vous dit. Tu ne rentreras jamais si tu n'es pas un juif. Hein. Il faut que tu deviennes un prosélyte juif, c'est-à-dire un juif de parfois. Il faut que tu te convertisses à la religion juive. Il faut que tu deviennes un juif. Sans ça, tu ne deviendras jamais un enfant de Dieu. Tu ne feras jamais partie du royaume de Dieu. Et pourtant, Jésus a dit que toutes les nations du monde, de l'Orient et de l'Occident, ils vont venir du monde de partout pour faire partie du royaume de Dieu. Puis quand on lit l'Apocalypse, il y a des gens de toutes les nations de la terre dans le ciel. C'est pour ça qu'il dit... Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Il ne faut pas utiliser ça mal. Le jour où j'étais au Nos, puis il y a quelqu'un qui utilisait ça. Les premiers seront les derniers quand c'était le temps de passer pour manger à table. Ben, c'était pas tout à fait ça que ça veut dire le texte. J'ai des jokes là-dessus, mais c'était pas tout à fait ça. Mais le texte ici étant dit, les premiers, c'était qui c'est dans le texte? Les Juifs. Des premiers, ils vont être les derniers. Puis il y en a des derniers qui étaient des païens qui vont être des premiers. Donc, il dit, dans les deux bords, il va y avoir des Juifs, mais il va y avoir aussi des païens. Les deux bords. Il dit, le royaume de Dieu va être multiculturel, je peux employer un terme qu'on emploie aujourd'hui. Il n'y a pas de choses qui vont empêcher, il n'y a pas de race là-dedans. Et quand, dans mon cours que je faisais à Montréal, on devait aller rencontrer un rabbin juif dans un de nos cours pour lui poser des questions, et on est allé à la synagogue, et j'ai rencontré un rabbin juif, et j'ai demandé des questions, puis il me dit, sais-tu, François, c'est la chose la plus importante pour mes enfants, parce que notre cours portait sur l'éducation des enfants, donc on allait leur demander à eux autres comment ils faisaient l'éducation des enfants, puis on a fait différents mouvements religieux comme ça pour voir la différence. Et sais-tu ce qui est important pour mes enfants? J'ai dit non, c'est pour ça que je suis ici, je voudrais savoir. Et ils disent, tout ce que je veux, lui il avait une fille, et tout ce que je veux, c'est que ma fille marie un juif, c'est sûr, c'est tout ce qui est important. Il dit, si elle marie un juif, c'est une fille d'Abraham, c'est un enfant d'Abraham. Leurs enfants vont être des enfants d'Abraham, puis ils vont aller au ciel, dans le nouveau royaume. Mais vous, comment ils comprennent la situation? Donc, quand Jésus a dit, non, non, non, dans mon royaume, dans le nouveau royaume, c'est des gens de tous les peuples qui vont rentrer là. Je suis content, parce que moi, je n'étais pas un juif. J'étais un Québécois. Donc, voyez-vous, là, Jésus, c'est dans leur tête, pour eux autres, ça chambarde toute leur croyance qu'il y avait à ce moment-là. Et on va terminer, s'il vous plaît, avec le verset 31 jusqu'à 35. 31 jusqu'à 35. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Oh, je ne pense pas qu'il va rentrer dans le royaume, Hérode, avec l'attitude qu'il a face à Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est un pécheur, vous savez, qu'il ne rentrera pas. C'est l'attitude qu'il a en face de Jésus qui va le faire, qui va faire du trouble, le gars. Alors, il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux que tu sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants, comme une poule veut rassembler sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Il dit aussi aux Juifs, la repentance, quand on la vit, ça nous pousse à la foi. Ça nous pousse à la foi. Regardez les Jérusalem. Jésus dit ici qu'il dirait juste trois jours. Et dans la réalité, c'est ça qui reste. C'est à peu près trois jours avant la semaine sainte qu'on appelle, avant la semaine qu'il va mourir. Parce que Jésus est tout proche de la mort ici, dans le chapitre 13. Il ne reste pas grand temps, là. Peut-être une dizaine de jours avant qu'il meure. Il dit, j'ai encore trois jours où je vais continuer à faire du bien. Ce qu'on a vu un peu plus haut, continuer à mettre du fumier. Continuer à faire du bien. Je vais continuer à guérir des malades. Je vais continuer à faire des miracles. Je vais continuer à chasser des démons. Je vais continuer à faire du bien. J'ai encore trois jours pour le faire. Dans trois jours, ça va être fini. Puis là, il pleure, son cœur pleure sur Jérusalem. Puis il dit, hey, « Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. » Ça fait des millénaires. Là, Jésus ne parlait pas juste de lui. Il dit, « Ça fait des millénaires, Jérusalem, que je veux te sauver. Ça fait des millénaires que je t'envoie des prophètes et tu as tué les prophètes que je t'envoyais. » Je t'ai envoyé des gens pour te parler de moi et tu les as tous tués. Et bientôt, tu vas tuer même le Fils de Dieu. Tu vas tuer même le Fils de Dieu. J'ai voulu te rassembler. J'ai tout fait en mon pouvoir, si je pourrais dire demain. J'ai tout fait pour te rassembler. J'ai tout fait pour te montrer que je t'aimais. J'ai tout fait pour te dire que je voulais te sauver. J'ai envoyé des prophètes par centaines depuis des milliers d'années. Je t'ai écrit une Bible pour que tu le saches. Je t'ai tout donné pour que tu le saches. Mais tu les as tués un après l'autre. Un après l'autre. Un après l'autre. Un après l'autre. Tu les as tués. Et finalement, dans l'histoire de la vigne, Jésus, le vigneron envoie son fils. Dieu envoie son fils Jésus sur la terre. Et qu'est-ce que la race humaine fait? Elle le tue aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous ne me verrez plus tant aussi longtemps que vous ne direz pas béni celui que le Seigneur Dieu nous a envoyé, qui était qui? Jésus. Tant aussi longtemps que vous ne direz pas, vous, peuple d'Israël, tant aussi longtemps où, là je le mets peuple, mais je veux le mettre aussi en tant qu'individu, en tant que personne, tant aussi longtemps, dit-il, que tu ne dirais pas « Béni soit celui que tu as envoyé pour me sauver, tu ne me verras pas. Tu ne rentreras pas par la porte. Tu ne feras pas partie du royaume de Dieu. Tu ne rentreras pas. Il va falloir que tu dises, Israël, un jour, « Béni soit celui que tu as envoyé, qui était Jésus. » Et c'est la même chose que Pierre va dire dans Acte 2. Quand ils vont comprendre tout d'un coup qu'ils ont tué le Messie, ils vont dire « Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? » Pierre va dire « C'est facile. Repentez-vous. Repentez-vous. » Repentez-vous d'avoir tué le Messie. J'aimerais qu'on comprenne ça. Je vais le répéter souvent. Il n'y a pas dit de se repentir d'avoir fumé du pot. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, repentez-vous d'avoir tué le Messie. Si vous vous repentez d'avoir tué le Messie et que vous croyez en lui, là il parle des eaux du baptême, si vous croyez en lui et que vous faites baptiser en son nom, je vous pardonne vos péchés, tous vos péchés. Je vous les pardonne tous, même celui de l'avoir tué. Vous voyez, la repentance, c'est vraiment important. C'est essentiel dans la vie. C'est essentiel pour l'être humain. Il doit se repentir. Se tourner vers Dieu et de crier à Dieu, je peux dire ainsi, Je te bénis que tu as envoyé quelqu'un pour me sauver, puis je n'aurais jamais été capable de le faire. Je n'aurais jamais été capable de le faire. Et quand on se repent, qu'on reconnaît notre incapacité, savez-vous qu'est-ce qu'il reste à faire après ça? Et on crie, Seigneur, sauve-moi. On croit après ça. La repentance va engendrer la foi. Tant que je ne me suis pas repenti, je n'ai pas besoin de croire. Pourquoi je croirais si je ne me suis pas repenti? Si je n'ai pas besoin d'être sauvé, pourquoi je demanderais de me sauver? Voyez-vous ça? Quand on n'est pas malade, on ne va pas voir le médecin. Je connais des milliers de personnes qui vont à Dieu, mais ils ne se repentent pas. Qu'est-ce qu'ils font faire? Ils vont à Dieu pour que Dieu les serve. Ils vont à Dieu, puis donne-moi ci, puis donne-moi ci, fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Et là, ils vont à Dieu pour se faire servir. Mais celui qui se repent, il va à Dieu pour le servir. Il s'approche de Dieu. Seigneur, je veux maintenant me repentir, me tourner vers toi. Je veux te servir et je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix pour effacer tout ce péché-là. Même pour effacer le péché d'avoir tué le Fils de Dieu. Une fois, je parlais avec une dame qui avait 80 quelques années et j'ai demandé, en parlant, elle m'a dit plutôt, François, elle dit, moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis une bonne personne, je ne fais pas de mal à personne, mais non. Et j'ai demandé, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, est-ce que vos péchés l'ont fait mourir? Est-ce que vos péchés, madame, ont fait mourir le Fils de Dieu sur la croix? Elle dit, jamais que j'aurais fait mourir Jésus. Et j'ai été obligé de dire, madame, il n'est pas mort pour vos péchés, donc vous ne serez jamais sauvés. Mais si vos péchés ont fait mourir le Fils de Dieu, il les a acceptés, il les a pardonnés en mourant pour vous. Mais si vos péchés n'étaient pas là, il ne peut pas vous sauver. Il ne peut pas vous sauver. Nos péchés, ils étaient là il y a 2000 ans. Ils étaient là, sur le calvaire. Nos péchés étaient là. Ils ont frappé Jésus, vous savez. Nos péchés l'ont fait mourir, vous savez. Nos péchés l'ont fouetté, vous savez. C'était nos péchés. C'était pas ceux des Romains. Seulement, c'était les nôtres aussi. De dire qu'on est des bonnes personnes, quand on a tué le Fils de Dieu, on s'en leurre un coup, je vous garantis. On a tué Jésus en tant que race humaine. Il était assez bon. Il a dit, je les prends toutes, vos péchés, et je les efface, si vous croyez en moi. Je les prends toutes. Il n'y a pas d'autre porte pour entrer. Il n'y a pas d'autre porte. J'en veux pas d'autre. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi tu es devenu chrétien, toi, François? Alors, je vais te le dire, c'est facile, parce que c'est la plus facile des religions. Je lui dis carrément, c'est la plus facile des religions. Toutes les religions vont me dire quoi faire, pas faire. Dans la religion chrétienne, c'est, on m'a dit qu'est-ce que Dieu avait fait pour moi, et je l'ai cru. C'est la plus facile. La plus facile. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci d'avoir envoyé Jésus pour être une porte afin qu'on puisse entrer dans ce beau royaume que tu veux donner. On te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir accepté d'être venu sur la terre pour nous, d'être venu pour souffrir, mourir, pour nous racheter. Seigneur, je sais par expérience, et je sais aussi par les Écritures, que la repentance, tu dois la donner. Ce n'est pas dans notre cœur, tu dois la donner. Afin que les hommes se repentent et les femmes se repentent. Seigneur, on te remercie de nous l'avoir donné. Et Seigneur, je te prie que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait ce pas de se repentir, tu donnes la grâce de le faire. Que tu donnes la grâce de se tourner vers toi. Et de croire que tu as envoyé Jésus pour le sauver. Seigneur, béni sois-tu. Et on te demande la grâce quand nous allons aller dans ce monde cette semaine, pendant qu'on va être avec des gens qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas encore, qui ne croient pas en toi, qui te rejettent. Donne-leur. Donne-nous la grâce, l'amour, la compassion, la miséricorde qu'on a besoin pour prêcher la repentance aussi. Parce que c'est quelque chose qui mène au salut. Conduis-nous, Seigneur. Utilise-nous afin de faire partie de ces hommes et de ces femmes qui travaillent avec toi pour bâtir le royaume de Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Si vous voulez vous lever, on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.